Il supprime les voyages aux États-Unis. Il renonce aux promenades en auto et retranche de sa table le bacon et le fromage. Ici Lucien Aymon. Aujourd'hui à Carnet de guerre, nous abordons le front éthiopien. En effet, les armées fascistes du leader Mussolini viennent d'envahir l'Éthiopie africaine. C'est pour cette raison que l'émission Carnet de guerre est déployée sur le front éthiopien. Et nous allons suivre les engagements avec vous. Et d'ailleurs, Hubert Aubert, notre correspondant à l'étranger, est à l'intérieur d'une barque actuellement pour explorer les profondeurs de la jungle éthiopienne. Allons l'écouter à l'instant. Si vous voulez rejoindre notre équipe, utilisez les méthodes de communication les plus modernes, c'est-à-dire le pigeon voyageur, ou utilisez le téléphone 640 1586. Vous écoutez CKRL 89.1. Thank you. se flotte, pas une goutte à boire. Cesse de délirer, et rame. J'ai les crocs. Si, mais rame, je te dis. Arrête de me donner des ordres. Tu veux qu'on s'en sorte? Ce n'est pas le moment de serrer. On s'en sortira jamais, tonton. Jamais. Jamais. T'oublies qu'on a une mission, alors écrase. Arrête de parler sur ce ton. J'en ai marre, je ne te supporte plus. Je vais te buter si tu continues. Décidément, tu deviens trop encombrant. Bonjour aux poissons. Viens, t'es con. Pour faire une petite balade, car la valo jouera là. Au pays où les peuplades dansent la bamboula. Les petites négresses devant le roi de l'allégresse diront tout à coup sous ses boutons pas de la boue. C'est celui de la cabane de bambou qui jouait de la flûte en acajou. Anis où s'amusent les nababs, il a fait la nouvelle. Danser sur ce petit air qui jase comme Joséphine Baker sans gaz. Carnaval ce soir blanchit les idées noires. Et avant, y a bon, c'est le refrain des négrillons. Sous les palmiers, sous les dattes, c'est le carnaval négro. On peut voir ça vous épate, tout noir même Pierrot. Et les jouvents saignent, habillés de peau naturelle, disent non vraiment, carnaval c'est du scompretto. Que les femmes portent de la peau de serpent et qu'elles dansent le tutu pompon. C'est le jazz avec ses rythmes fous qui te ramène chez nous. Danser sur ce petit air qui jase comme Joséphine Baker sans gaz. Carnaval ce soir blanchit les idées noires. Y'a bon, c'est le refrain des négrillons. Sur le corso le dimanche, qu'est-ce qu'on trouve en africain? Qu'avait passé la nuit blanche pour pâlir sans teint. Venu d'Amérique, afin de visiter les tropiques, en sec quelle histoire, tant de raffia se mit à boire. Qui disait je suis noir, sous les bananiers je voudrais voir. Celle qui me disait dans un béco, des manois de coco. Danser sur ce petit air qui jase comme Joséphine Baker sans gaz. Carnaval ce soir blanchit les idées noires. Y'a bon, c'est le refrain des grillons. C'est une histoire assez curieuse. Amélie n'avait jamais rien voulu savoir avec un blanc. Au bout de 15 ans de fidélité conjugale, elle a marché avec un nègre. Comment avec un nègre? Oui, un petit porteur de parasol. Un cadeau de Louis XV amoureux. Sacré Louis XV. Mon arrière-grand-maman n'avait pas de tempérament. Et bien qu'elle fût très belle, elle était fidèle. Pas une fois elle ne trompa mon arrière-grand-papa. Oui, c'était une vertu, comme on n'en voit plus. Mais depuis la du Barry, la grande mode à Paris était d'avoir un petit nègre de Tahiti. Roi Louis XV, très galant, quand vint le jour de l'an, en offrit un aussi à Amélie. C'était un petit négro, cousquet de rigolo. Il avait dit l'histoire de jolies dents blanches dans une bouche toute noire. quand Camille y recevait celui qui servait. Et le joli négrillon passait les bonbons en disant aux gens, y a bon. Mais dites donc, elle est banale votre histoire. Oui, mais attendez, c'est pas fini. Oui, mais un soir, Camélie allait pour se mettre au lit. En retirant sa chemise, elle vit surprise. Au milieu de ses draps blancs, le petit nègre tremblant qui lui dit, moi, y en a froid, toi, réchauffez-moi. Elle entra, vous pouvez le croire, dans une colère noire. Mais sa colère finit, elle entra dans le lit. N'ayant pas le cœur inhumain, elle réchauffa le gamin. Vous devinez après ça, ce qui se passa. Émilie et son négro firent méli-mélo. Elle passa dit l'histoire des tas de nuits blanches près de sa passion noire. Elle acquit en peu de temps du tempérament. Et chiffant le jargon de son négrillon, elle criait dans le noir, y a bon. Michel Simon qui chantait Un petit négro. Et juste avant, c'était Père Chico avec Carnaval Yabon. Et je crois que nous avons perdu tout contact avec notre collaborateur Hubert Aubert. Quelques mots sur Michel Simon qui vient juste de chanter. Un personnage assez curieux. Un Suisse. Il commence assez modestement dans le milieu de la chanson et du spectacle en général parce qu'il fait le clown et l'acrobate. Il travaille aussi pour un prestidigitateur. Et il participe à la Première Guerre mondiale. Et apparemment que c'était un soldat indiscipliné. Il passait le plus clair de son temps aux arrêts ou à l'ombre des cachots. Et rapidement, il doit être hospitalisé. Et encore plus curieux, il semble que c'était un nérotomane notoire. En effet, Michel Simon possédait une collection de plus de 100 000 objets en relation avec le sexe. En outre, il était un amateur de prostituées et avait ses entrées dans les maisons closes. Et même qu'on dit qu'il avait été aussi membre des services secrets soviétiques, mais il n'y a pas de preuves pour appuyer ses dires. Donc voilà où la chanson peut nous mener. Et pour ce qui est de Père Chico, qui chantait Carnaval Yabon, eh bien, c'était de son vrai nom André Chico, qui était ingénieur et cycliste professionnel. Il a en effet remporté un championnat de France en 1912. Et lors de la Première Guerre mondiale, il est pilote d'avion. Et il est abattu en 1916. Il est hospitalisé et par la suite, il commence une carrière en chanson. Alors qui sait, peut-être qu'on n'aurait jamais entendu cette chanson-là s'il avait poursuivi sa carrière de cycliste. Alors aujourd'hui, nous sommes sur le front de l'Éthiopie, où les forces armées du leader Mussolini, à l'endroit où cette armée est engagée. Voilà. Alors allons continuer à écouter une chanson de Mayol. Ce sera la pièce « À la cabane bambou ». Vous écoutez CKRL 89.1 en compagnie de Lucien Aymon. Moi, bon nègre, tout noir de la tête aux pieds, si vous voulez voir, venu à Paris, pensant rigoler, mais moi bien tombé, toujours m'ennuyé. Aussi gros chagrin, moi le diavo, vouloir les tourner chez nous. Où ça? Où ça? À la cabane bambou bambou, à la cabane bambou, à la cabane bambou bambou, à la cabane bambou. Moi habillé à la mode française, parce qu'il est moins foncé mais pas être à l'aise. Habit, pantalon et tous les foubis, rotrelle, faux col, souliers vernis. Moi aimais bien mieux la mode du chenot, avec pas costume de tout. Où ça? À la cabane bambou bambou, à la cabane bambou, à la cabane bambou bambou, à la cabane bambou. Moi tout est gobé de femmes d'ici, et la Miss Tinguette, Cécile Sorel aussi. Mais si moi aimais les minois jolis, trouvez les nénés beaucoup trop pétés. Moi pouvais voir où est ce de femme de chez nous qui lui tombe jusqu'au genou. Où ça? À la cabane bambou bambou, à la cabane bambou, à la cabane bambou bambou, à la cabane bambou. Emmène le tournant, jolie petite femme, tout blanc, moi faire avec elle, famille au complet, des petits enfants, couleur café au lait. Moi pour bien remplir mes devoirs d'époux, lui donner baiser bien doux. Où ça? À la cabane bambou bambou, à la cabane bambou, à la cabane bambou bambou, à la cabane bambou. Thank you. jamais d'espoir, jamais de joie. Notre âme noire en sa douleur. Fermons les yeux, que tout se passe. Espace, redevient bleu. Dans le fini, ville soleil d'Afrique, sur les tropiques, sous le ciel d'Afrique, chaque instant semble meilleur qu'ailleurs, et pour nous tout est désir, plaisir, au pays en sens le. Sous de Rabat, de la Brousse ou de Sousse, de avant-gardiste avec Christina Moschini suit dans un instant sur les ondes de CKRL. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. Wow. Brasserie coopérative de travail aime son milieu. Elle est fière de soutenir l'économie sociale, les projets communautaires et les radios locales. Elle est aussi fière de vous accueillir dans son salon de dégustation où un choix de 17 bières à la pompe vous attend. La Barberie, c'est aussi des bières en bouteille, au goût riche et au son unique. Que vous soyez seul, en couple ou entre amis. La Barberie, 310 Saint-Roch ou à labarberie.com. En devenant membre de CKRL durant notre campagne de pré-membership, nous vous offrons la chance de participer au tirage d'un certificat de 300 $ de Sillon Disquaire. Le tirage aura lieu à 11h lors de notre journée de lancement à laquelle nous vous convions le dimanche 12 septembre sur la 3e avenue face à CKRL. Être membre de CKRL pour 25 $, c'est soutenir la plus ancienne radio communautaire francophone, soutenir la relève artistique de toutes les scènes. Et il y a trois façons d'adhérer. Remplir le coupon et nous le retourner par la poste, nous contacter par téléphone au 418-640-2575 ou par le biais du site sécurisé de Sillon Disquaire à www.sillon.com. Ce tirage est réservé aux membres ayant adhéré au plus tard le 10 septembre. Faites vite! Ici Jannick, la voix de Guérilla. Manifestez-vous en écoutant CKRL 89.1 Québec, la radio des découvertes. Vous écoutez toujours Carnet de guerre. Ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était Nadia Doty qui faisait Debout les Zouaves, Joséphine Baker qui faisait Sous le ciel d'Afrique, Nobad et ses Nobadiens, Negro Rumba, et Mayol faisait À la cabane bambou. Quelques détails sur ces artistes. Mayol est né à Marseille, dans sa ville natale, et il a commencé sa carrière à cet endroit-là, jusqu'à ce qu'il rejoigne la scène de Paris en 1895. Et rapidement, il a beaucoup de succès. Il semble que son chapeau y soit pour quelque chose, parce que son chapeau était tellement célèbre qu'il a inspiré de nombreux imitateurs. Et sa renommée est si grande que même Charlie Chaplin vient le voir. Et son cachet était assez important. Et il était par contre très généreux, ce qui lui a permis de lancer la carrière de jeunes artistes, parmi lesquels Valentin Sardou, qui est le grand-père de Michel, Maurice Chevalier et Rému. Et pour ce qui est de Joséphine Baker, comment évidemment passer à côté de cet artiste extraordinaire? Elle est née aux États-Unis. C'est une célèbre chanteuse, danseuse et meneuse de revue. Et elle est d'origine métissée, afro-américaine et amérindienne des Appalaches. Elle est d'ailleurs souvent considérée comme la première star noire. Et elle a pris la nationalité française en 1937, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, où elle a joué d'ailleurs un rôle important dans la résistance à l'occupant. Elle utilisera ensuite sa grande popularité dans la lutte contre le racisme, pour l'émancipation des Noirs et en particulier dans le mouvement de Martin Luther King, Joséphine Baker. Alors voilà, nous sommes déployés sur, évidemment, les lieux de bataille de l'Éthiopie. C'est actuellement la guerre entre l'Italie mussolinienne et l'armée éthiopienne. Et nous sommes convaincus que le bien l'emportera. Allons écouter une pièce maintenant de Germaine Sablon, Le grand voyage du pauvre nègre. Vous écoutez Carnet de guerre en compagnie de Lucien Aymon. Vous pouvez nous rejoindre en utilisant les méthodes de communication les plus sophistiquées. L'internetophone, par exemple. Ou le téléphone, 640-1586. Soleil de feu sur la mer rouge, aucune vague, rien ne bouge. Je suis la mer, un vieux cargo qui s'en va jusqu'à Bornéro. Et dans la soute pleure un nègre, un pauvre nègre, un nègre maigre, un nègre maigre dont les os semblent vouloir trouer la peau. Oh, yo, oh, yo, monsieur bon Dieu, c'est pas... vouloir voir le grand bateau qui crache du feu et marche sur l'eau. Et sur le pont, moi j'ai dormi. Alors bateau, il est parti. Et capitaine a dit comme ça, nègre au charbon, il travaillera. Monsieur bon Dieu, c'est pas gentil. Moi pas vouloir quitter pays. Oh yo, oh, oh yo. Toujours plus loin au bout du monde, le vieux cargo poursuit sa ronde. Le monde est grand, encore des ports, toujours plus loin, encore des ports. Et dans la soute pleure un nègre, un pauvre nègre, un nègre maigre, un nègre maigre dont les os semblent vouloir trouver la peau. Oh yo, oh yo, monsieur bon Dieu, c'est pas gentil, il y en a maintenant perdu pays. Pays à moi, très loin sur l'eau, et moi travaille au fond bateau. Toujours ici comme dans l'enfer, jamais pu voir danser la mer, jamais pu voir grand ciel tout bleu, et pauvre nègre malheureux. Monsieur bon Dieu, c'est pas gentil, il y en a maintenant perdu pays. Oh, yo, oh, oh yo. Sur la mer calme, dans la nuit claire, il voit des palmes. Alors il crie, c'est mon pays, et dans la mer il a bondi. Et dans la vague chante un nègre, un pauvre nègre, un nègre maigre, un nègre maigre dont les os semblent vouloir trouver la peau. Oh yo, oh yo, monsieur bon Dieu, toi bien gentil, ramenez-moi dans mon pays. Mais bien bon Dieu, bien mon secours, moi pas pouvoir nager toujours. Pays trop loin pour arriver, et pauvre nègre fatigué. Ça y est, fini, monsieur bon Dieu, adieu pays, tout le monde adieu. Monsieur bon Dieu, monsieur bon Dieu. Oh, nostalgique, je pense à mes amours bibliques dans les îles océaniques du temps que j'étais cuisinier. Stop. Je vous ai dit 20 fois, répétez 20 fois, qu'à cuisinier, vous devez faire. Alors on recommence. Envoyez l'ambiance, les chameaux et les serpents. Du temps que j'étais cuisinier. Chaque jour était une fête et elle fleurissait ma tête. Elle s'appelait Élisabeth. Élisabeth comme tes pieds. Alors personne ne rit, non? Vous pouvez pas rire quand c'est drôle. On recommence. Élisabeth comme tes pieds. C'était une cannibale qui mangeait les chaises des buffets. C'était une cannibale qui bouffait tout ce qu'elle voyait. Et youp youp youp, la la, et youp youp youp, la la. C'était une cannibale qui avait de drôles de façons. Quand elle jouait au football, elle voulait bouffer le ballon. Et youp youp youp, la la, et youp youp youp, la la. Pour me la ravir, un homme se glissa près d'elle un beau soir, comme il lui offrait la pomme. Elle a bouffé l'arrosoir et youp youp youp, la la, youp youp youp, la la. Au milieu de la nuit, on sonne. C'était dans mon premier sommeil, je croyais que c'était le téléphone. Elle avait bouffé le réveil, youp youp youp, la la, youp youp youp, la la. Aux Tuileries, sous le lierre, elle avala un petit amour, mais comme il était en pierre, elle grandit de jour en jour. Et youp youp youp, la la, youp youp youp, la la. Et par une nuit d'orage, fais-moi un orage, toi là-bas. Stop, merci. Elle devint maman, c'est beau. D'une maison de 6 étages qui avait le gaz et l'eau. Et youp youp youp, la la, cœur des locataires. Youp youp, la la. Je devins propriétaire. Et lorsqu'ils avaient quelques torts, elle bouffait les locataires au lieu d'aller foutre dehors. Et youp youp youp, la la, et youp youp youp, la la. Alors un soir de délire, J'ai voulu m'en débarrasser, elle me dit. Sur le ton le plus officiel. Ah! Et là-dessus, elle descend dans l'escalier. Tu veux rire? C'est à ton tour d'y passer. Et youp, youp, youp, la, la, et youp, youp, youp, la, la. Bondissant comme une lionne, elle me mordit. Le sang coula. Mais aussitôt, la mignonne, empoisonnée, expira. Et youp, youp, youp, la, la, et youp, youp, youp, la, la. Avec la pièce Minin Alokora, une pièce du patrimoine traditionnel éthiopien. Et juste avant, c'était la pièce C'était une cannibale, avec un artiste inconnu. Et la première pièce du bloc était de Germaine Sablon. La pièce s'appelait Le grand voyage du pauvre nègre. Et au sujet de Germaine Sablon, née dans une famille d'artistes, Elle débute une carrière de chanteuse d'opérette en 1915. Et après la guerre, elle joue dans des films muets. Et après avoir lutté contre l'occupant allemand lors de la Seconde Guerre, elle se réfugie à Londres en 1943. Et elle est alors engagée dans la France libre, qui est l'armée française... située à Londres, sous le commandement de Charles de Gaulle, et elle sert en tant qu'infirmière dans la première division française libre en Italie et en France. Donc une grande héroïne de guerre, cette Germaine Sablon. Et maintenant, nous allons nous concentrer sur la musique traditionnelle africaine, car vous avez sans doute remarqué que les pièces avant, c'était surtout des pièces européennes ou françaises, des pièces tirées d'une compilation qui s'appelle « Chansons exotiques et coloniales ». Alors maintenant, nous allons nous faire honneur à la culture africaine, essentiellement. Vous écoutez CKRL 89.1. C'est l'émission « Lucien de guerre ». Et nous allons écouter maintenant quelques pièces somaliennes. Voici la pièce « A Ilan ». Ay, la. ku haina de re ailan iman ku haina de re ailan ailan iman ku haina de re ailan Thank you.

Vous écoutez CKRL 89.1. صارت الأفواج لغبها تمع من ألحان الندى ويحن المهاجر تقادم ويحن المهاجر تقادم ويحن المهاجر تقادم ويحن المهاجر تقادم ويحن المهاجر تقادم ويحن المهاجر تقادم ويحن المهاجر تقادم في أقلال مجلدا يا ملاك البيك تلينا قلبي عندك عليك سلامي ما لاحب غرق جن ليل وبدرا بدا وعلى أقصان سويجع وعلى أقصان سويجع وعلى أقصان سويجع وعلى أقصان سويجع وعلى أقصان سويجع وعلى أقصان سويجع وعلى أقصان سويجع ضايق الألحان لكن بيك ابتلينا قلبي عندك لحاصدا تلزمك عن بابك تلازم امتدادا طول المدى تجري بالريح لك تنادي تجري بالريح لك تنادي تجري بالريح لك تنادي تجري بالريح لك تنادي تجري بالريح لك تنادي تجري بالريح لك تنادي تجري بالريح لك تنادي دايما ابدا ترضى يا ملاك البيك ابتلينا قلبي عندك ليلة ليلة يا ليلة ليلة الله ليلة يا ليلة ليلة الله يا ليلة ليلة الله يا نباوي ليلة الله يا نباوي ليلة الله يا حضوري ليلة الله يا باب عن جديدة الله يا باب عن جديدة الله يا كندر ليلة الله يا ليلة ليلة ليلة ليلة يا Nine. là, les engagements se font vigoureux maintenant sur le front éthiopien. Nous venons d'entendre Kazai All Stars qui faisait Quick as White. La pièce juste avant, c'était Ahmed Masr et Ya Maleki Elbek. Et au sujet des artistes, pas beaucoup d'informations sur Monsieur Masr, mais c'est une pièce qui venait du Soudan. C'était une pièce tirée de l'album compilation The Secret Museum of Mankind, Music of East Africa, Ethnic Music Classics, de 1925 à 1948, donc de la musique contemporaine. Et juste avant, Kazai All Stars. Le nom de l'album, attachez-vous bien, s'intitule In the Seventh Moon, the chief turned into a swimming fish and ate the head of his enemy by magic. Et donc, il s'agit de Kazai All Stars. C'est un groupe qui mélange des instruments acoustiques traditionnels avec des guitares électriques, des pianos avec de la distorsion et tout ça. Et c'est un collectif qui tourne autour de 25 musiciens qui sont basés tous à Kinshasa, au Congo, qui viennent de 5 groupes ethniques différents. Quelque chose de très intéressant, donc. Mais nous sommes sur le front éthiopien aujourd'hui. Et cette émission s'appelle Carnet de guerre. Et si vous voulez commenter ou envoyer peut-être un message à des parents qui sont déployés à l'étranger, nous serions heureux de la faire. Gisèle attend vos appels. Alors, on continue. On va écouter une pièce du docteur Ki Giazi and his Noble Kings. La pièce s'appelle Odo Yewu Da Babi. Vous écoutez CKRL 89.1. Thank you.

Et voilà, c'est tout pour l'émission Carnet de guerre. En votre compagnie, Lucien Mont. On se dit à la semaine prochaine. Simplement pour vous mentionner qu'est-ce qui vient de jouer. Ce sont les drums vaudou de Echo Pagan. Une pièce qui s'appelle Congo. Et juste avant, c'était Dr. K. Giassi and his Noble Kings avec Odo Yeyewu Da Babi. Et bien voilà, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Nous nous verrons la semaine prochaine, peut-être sur un front différent. Qui sait? Ciao. Thank you.